إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication des hadiths authentiques de l'introduction de Sunan Ibn Majah de l'imam Muhammad, non c'est Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini qui est né en l'an 209 et qui est mort en l'an 273 de la Hijra. Rahimahullah ta'ala, un des imams, parmi les imams du hadith et parmi les imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc, dans cette introduction de l'imam Ibn Majah, il a rapporté les hadiths qui se rapportent à la Sunna et au manhaj des salaf. Donc, on va lire donc ces hadiths parmi les hadiths qui sont authentiques et que Cheikh Al-Albani a authentifié dans cette introduction, avec les explications de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala. Donc, le Cheikh, on est arrivé au hadith de Aïcha, radiyallahu anha. An Aïcha, radiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشيخ الألباني, صحيح. الشرح, قال أهل العلم الرد معناه يعني المردود, فهو رد معناه المردود, وما كان مردودا فكأنه غير موجود, والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها, يعني لا تجزى أو لا تجزئ عن المتعبد بها, وإذا أضيف الرد إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها, وهاكم الأمثلة. Donc on va traduire cette explication, qu'est-ce qu'on a lu dans le hadith et l'explication jusqu'à date. Le cheikh, il a mentionné donc le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, hein, ce qui n'est pas de, c'est-à-dire il invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, alors cette chose qu'il a inventée sera rejetée. Et c'est ce que le cheikh explique ici, le terme dans le hadith qui est mentionné, ar-rad, hein, fahuwa rad en arabe. Rad, c'est-à-dire mardoud, qui veut dire le fait d'être rejeté, refusé, hein, renvoyé. Et donc, quand on dit de quelque chose que c'est quelque chose qui est renvoyé, ici c'est comme si c'est quelque chose qui n'existait pas ou qui n'avait pas été fait. Et donc, quand on applique ce terme à une adoration en particulier, eh bien ça implique que cette adoration-là, elle n'est pas valable. Donc si quelqu'un fait une action dans l'islam ou fait par exemple une pratique quelconque et que cette pratique elle ne fait pas partie de l'islam dans le sens qu'elle n'est pas supportée par aucune preuve authentique du Coran et de la Sunna, eh bien, si quelqu'un fait cette pratique ou pratique cette chose ou invente cette chose ou elle fait cette chose-là donc, et elle dit que ça fait partie de la religion, eh bien, c'est clair que cette chose-là, elle est rejetée. La personne en question, quand elle fait cet acte-là, elle ne sera pas récompensée et ça ne lui servira en fait à rien. Et si on applique le terme « ar-rad » à quelque chose qui est relié aux interactions, parce que les ulama, ils divisent souvent la religion en deux catégories. Ils divisent la religion en « ibadat » et « mu'amalat ». Ibadat, c'est les adorations, les choses que le serviteur fait pour se rapprocher d'Allah. Les choses que Allah aime et qu'il a agréées, soit qu'il les a ordonnées ou qu'il les a recommandées. Donc ça, c'est les ibadat, les actes d'adoration. Tandis que al-mu'amalat, c'est les interactions qui ont été, les interactions entre les serviteurs eux-mêmes, les uns avec les autres, et les règles de l'islam qui gèrent ces interactions-là. Donc, pour donner un exemple, les règles islamiques reliées au commerce, ou les règles islamiques reliées à la société en général, comme par exemple l'héritage, le mariage, le divorce, la paix, la guerre, les peines. Toutes ces choses-là, ça fait partie de ce qu'on appelle al-mu'amalat. Et c'est souvent dans les livres de fiqh qu'on retrouve cette séparation-là. On va trouver par exemple les premiers chapitres des livres de fiqh. Bon, il parle de al-tahara, après il parle de al-salat, al-zakat, al-sawm, al-hajj, les cinq piliers de l'islam. Puis après ils vont parler ça c'est al-ibadat, les adorations. Puis après ils vont parler de al-mu'amalat, les règles au sujet des autres choses qu'on vient de mentionner. Donc le cheikh il dit donc, si c'est quelque chose qui, si on applique le terme mardoud, où on mentionne d'une adoration qu'elle est mardouda, alors dans ce cas-là ça veut dire que elle n'est pas valable, Allah ne l'acceptera pas et ne sera pas récompensé. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que si on parle de qu'est-ce qui a rapport avec les mu'amalat, par exemple les contrats entre deux personnes en ce qui concerne par exemple le commerce, des choses de ce genre, eh bien si on dit de ce contrat qu'il est mardoud ou qu'il est rad, eh bien ça veut dire que il est complètement comme le cheikh il a dit ici, yaqtadi ilra'aha. Ilra'aha, ça veut dire qu'il sera complètement annulé. Il sera complètement annulé. C'est-à-dire que ce ne sera même pas valable, ce n'est pas quelque chose qui va être exécuté ou qui va être mis qui va avoir un effet. Ça ne va pas avoir aucun effet. C'est comme si le contrat était nul depuis le départ. Parce qu'il n'est pas basé sur quelque chose de solide ou sur des preuves réelles, mais c'est basé sur des choses inventées. Et donc le cheikh va donner des exemples de ça. Il dit: وهاكم الأمثلة فمن صلى محدثا عالما عامدا فصلاته مردودة عليه لا تجزي عنه أو نعم ويجب عليه إعادتها وهذا في العبادات وهكذا البدع. البدع مردودة على أصحابها، فالحديث عام في التحذير من أي عمل لم يقم عليه الدليل، والدليل يجب أن يكون آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر دينه وهو حجة بنفسه. Donc le cheikh il explique que il dit, je vais vous donner un exemple. Celui qui prie sans ablution, ou sans avoir fait le wudu, par exemple, eh bien, s'il est conscient de ça, et s'il savait qu'il n'avait pas ses ablutions avant de commencer sa salat, hein, s'il savait qu'il n'avait pas ses ablutions et qu'il l'a fait volontairement, Yannis, alors cette salat, c'est clair qu'elle sera Yannis, rejetée. Hein, elle ne sera pas acceptée d'Allah. Hein, et elle ne sera pas c'est comme s'il n'aurait pas accompli son devoir à ce moment-là, il n'aura pas accompli son obligation et il sera obligatoire pour lui de la refaire, hein, et même que c'est plus grave que ça, parce que celui qui prie la salat alors qu'il sait qu'il n'est pas en état de wudu et qu'il n'a pas d'excuse valable pour justifier ça et qui prie quand même, alors c'est presque comme s'il joue avec la prière, c'est comme s'il joue avec la religion, parce que comment quelqu'un qui sait qu'il n'a pas l'ablution et qu'il est au courant que c'est une condition pour sa salat, puis que par la suite il prie malgré tout de cette manière, alors c'est presque comme s'il se moquait de la prière ou de la religion dans ce cas-là. Certains ulama que j'ai entendus mentionner cet exemple-là ont même considéré que ça pouvait même aller jusqu'au kofr, parce que yani c'est presque comme on dit, la personne en question elle fait une moquerie de la prière. Et le cheikh il dit qu'il y a également des innovations. Ça rentre également dans le sens des innovations, des choses innovées dans la religion, inventées dans la religion, que ce soit dans les croyances ou dans les pratiques. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en arabe bid'a? Bid'aun, c'est-à-dire le pluriel du mot bid'a, bid'atun. Donc, al-bid'atu, et le pluriel c'est al-bid'a'u. Donc, quand on parle de al-bid'a, ça veut dire on parle de. Il y en a des choses inventées dans la religion, dans la croyance, dans les pratiques, et des choses qui n'ont pas été établies sur des preuves ou supportées par des preuves. Donc le cheikh il dit que ce hadith donc est général, et il avertit et il met en garde contre toute action qui n'a pas été supportée ou établie sur une preuve. Et une preuve, quand on dit que ça doit être supporté par une preuve, eh bien, c'est obligatoire que cette preuve soit un verset du Coran dans le livre d'Allah, soit un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un consensus des savants qui font partie des mujtahidin, c'est-à-dire qui ont atteint un certain degré de compréhension de la religion et qui sont capables de yani à partir des principes et des fondements de la charia et des fondements de l'islam, d'extraire des textes religieux des verdicts, hein, pour savoir si telle chose est wajib ou mustahab, ou telle chose est muharram ou makruh ou bien mubah, et ainsi de suite. Donc ça c'est yani qu'est-ce qu'on appelle les ulama al-mujtahidin, parce que les ulama al-mujtahidin ce sont des ulama qui ont réuni en eux-mêmes la science du Coran et de la Sunna et de tous les outils nécessaires pour comprendre ces textes, hein. Et al-ijma c'est le consensus, c'est-à-dire lorsque tous les savants d'une époque sont d'accord sur quelque chose, alors ça devient une preuve dans la charia, ça devient un verdict religieux, parce que yani comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, la tajtami'u ummati ala dalal, c'est-à-dire ma umma ne peut pas se mettre d'accord sur quelque chose qui est un égarement. Donc si quelque chose il n'y a pas de divergence entre les ulama à son sujet, alors ça ne peut être que la vérité. Et c'est pour ça que les ulama ils considèrent l'ijma' comme étant une preuve, hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une preuve indépendante, une preuve par elle-même, c'est-à-dire au même titre qu'une preuve du Coran et de la Sunna. D'accord ? Ensuite, le Cheikh, il dit وفي الحديث لفتة وهي أن البدع كلها ضلالة أو أن البدع كلها ضلالة وليس فيها ما هو حسن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفيه كذلك دليل للقاعدة الأصولية المشهورة الأصل في العبادات الحذر إلا بنص والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص فمن دعا الناس إلى عبادة غريبة على الشرع لم تكن معروفة في الدين كان عليه الدليل وإلا فلا طاعة له فيما دعا إليه ومن دعا الناس إلى تحريم معاملة يتعاملون بها أو عرفا تعرفوا عليه أو عادة يعتادونها وجب عليه الدليل وإلا قيل له وراءك لا سمع ولا طاعة لك فيما تنهانا عنه من هذه المعاملات التي تعودناها. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh dit, il y a aussi également un point important qui est mentionné ou bien auquel le hadith fait allusion, et c'est le fait que toutes les innovations sont des égarements sans exception. C'est-à-dire que quand on parle des innovations ici, c'est bien entendu les innovations religieuses, hein, reliées à la religion, soit dans les pratiques ou dans les croyances. Mais on ne parle pas, bien entendu, des innovations sur le plan linguistique, ou bien plutôt dans les questions qui ont rapport avec la technologie ou des choses de ce genre. Parce que les innovations qui sont reliées à la technologie et aux choses qui facilitent la vie des hommes, et que les gens ont fabriqué ou inventé, eh bien ces choses-là, du moment qu'elles sont bonnes en elles-mêmes et qu'elles sont utilisées comme moyen pour faire le bien, alors dans ce cas-là, elles sont permises, hein, et on ne peut pas les interdire, à moins qu'elles soient mauvaises en elles-mêmes ou qu'elles soient utilisées pour le mal en général, hein, ou de façon générale. Donc, dans ce cas-là, on va dire que c'est une mauvaise innovation. Si c'est une chose qui est inventée, qui est bonne en elle-même et qui est utilisée pour le bien, dans les choses de la vie qu'on utilise tous les jours, alors dans ce cas-là, on va dire que ça, c'est une bonne invention ou une bonne innovation. Hein? Comme par exemple, le micro dans lequel je parle maintenant, ou bien l'utilisation, par exemple, d'une voiture ou des ordinateurs ou des ampoules pour éclairer l'électricité ou des trucs de ce genre, tout ça c'est des choses qui sont utiles et qui sont bénéfiques, et tant qu'on les utilise pour le bien, alors dans ce cas là c'est bien, hein? Si la même chose pour les avions, les trains, toutes les autres inventions modernes. D'accord, donc il faut pas confondre ici et mélanger, parce que des fois vous allez trouver certains individus qui essaient de se moquer des gens de la Sunna et qui essaient de ridiculiser leur position, surtout en particulier que ce sont souvent des gens qui essaient de justifier les innovations qu'ils font. Donc pour essayer de ridiculiser les gens de la Sunna, ils vont donner ce genre d'exemple en voulant dire: ah, si vous êtes contre la sunna, vous êtes contre les innovations, alors dans ce cas-là, pourquoi vous utilisez des ordinateurs, ou pourquoi vous utilisez des voitures ou des avions ou des choses de ce genre? Eh bien, ça n'a rien à voir avec le sujet dont on est en train de parler. Lorsqu'on parle des innovations et qu'on dit que toutes les innovations sont des égarements, on parle des innovations dans la religion. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit ici, il n'y a pas dans la religion d'innovation qui soit bonne. Puisque on voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit « Man ahdatha fi amrina hadha » Fi amrina hadha, c'est quoi amru, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit amruna hadha, il parle de quoi? Il parle de la religion. Hein? Donc c'est pas dans n'importe quoi qu'il parle. C'est pas man ahdatha fi dunya ou fi umur al-adat ou umur al-dunyawiyya. Non. Il dit man ahdatha fi amrina hadha. C'est-à-dire fi hadha din. Ma laysa minhu. Donc c'est spécifique et c'est clair par rapport à ce hadith là que ce qui est rejeté parmi les innovations et parmi les inventions, c'est les choses de la religion, dans la religion, qui sont inventées dans la religion. Et comme c'est mentionné dans un autre hadith également qui est très célèbre à ce sujet, le hadith de Al-Irbad, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Irbad ibn Sariyah, il dit dedans, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Toute innovation est égarement et tout égarement mène à l'enfer. Donc ça c'est clair par rapport à ce hadith. Ensuite le cheikh il mentionne également que il y a dans ce hadith la preuve d'une règle fondamentale parmi les règles de usul, les al-qawa'id al-usuliyya, qu'est-ce qu'on appelle al-qawa'id al-usuliyya, c'est-à-dire les principes fondamentaux de la religion. Et parmi les principes, parmi les règles et les principes fondamentaux qui sont très célèbres dans la religion, il y a la règle suivante. Et cette règle, il est important à tout musulman de la connaître. Parce que par le fait de connaître cette règle, eh bien, ça va clarifier et ça va lui rendre facile la compréhension de beaucoup de choses dans la religion. Et c'est ça l'intérêt de connaître les principes et les règles fondamentales et générales de la religion. Parce que, yani, ça te simplifie la compréhension, en comprenant ces principes-là, ça te simplifie la compréhension de beaucoup de choses en même temps. Donc ici par exemple le cheikh il mentionne deux règles parmi les règles et les principes fondamentaux de la religion de l'islam. La première c'est que al-aslu fil ibadat al-hadar illa binas. Donc ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses si tu comprends bien cette règle. C'est que dans les questions d'adoration, quand on parle d'adoration, hein, ou bien quand on parle de croyance ou d'adoration ou de pratique religieuse, la base c'est que tout est interdit excepté s'il y a un texte pour le prouver ou le justifier. D'accord? Donc si on parle d'une adoration ou quelque chose qui est relié à la croyance dans la religion, depuis que on parle de quelque chose qui est relié à ça, on n'a pas le droit de dire ou de faire quelque chose excepté s'il y a une preuve d'un texte du Coran ou de la Sunna qui va nous prouver que cette chose-là fait réellement partie de la religion. Donc, si par exemple on est dans une situation où on arrive quelque part et on voit que des gens font quelque chose et que cette chose-là, si on leur demande qu'est-ce que vous faites, hein, c'est quoi la preuve de cette pratique que vous êtes en train de faire, et que la personne en question ou les gens en train de pratiquer cette chose ne sont pas capables de ramener aucune preuve authentique ni du Coran ni de la Sunna pour justifier ou supporter cette pratique, alors dans ce cas-là on n'a pas le droit de la faire, on n'a pas le droit de la suivre, même si beaucoup de gens la mettent en pratique aussi. C'est-à-dire que des fois les gens ils vont suivre des pratiques qu'ils ont héritées de leur père ou de leur grand-père ou qui sont venus peut-être de générations très éloignées. Les gens ont continué à pratiquer cette pratique, mais ils savent vraiment pas d'où est-ce que ça vient exactement? Eh bien, quand tu leur demandes la preuve, c'est basé sur quoi? Ils ne sont pas capables de te donner une preuve authentique. Hein? Ou bien peut-être qu'ils vont te donner des preuves qui sont supportées par des hadiths qui sont fabriqués ou des hadiths qui sont faibles, qui ne sont pas valables comme preuves dans la charia. Hein? Ou bien ils vont se baser sur la parole d'un imam ou d'un cheikh. Et ça, ce n'est pas une preuve dans la charia. Hein? Alors, dans ce cas-là, on dit non. Cette pratique-là, elle n'est pas permise. Et ça, ça rentre dans les innovations dans ce cas-là. D'accord? Donc, la règle de base par rapport aux adorations, c'est que tout acte, toute croyance est interdite, excepté si elle est supportée par une preuve d'un texte. Hein? On a dit tout à l'heure du Coran et de la Sunna. Maintenant, il y a une autre règle, et c'est cette règle, elle vient, disons compléter ou clarifier un peu cette première règle qu'on a mentionnée. C'est l'autre aspect, le contraire de cette règle, si on veut. C'est que la règle de base en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les interactions, hein, c'est qu'elles sont permises, excepté si on a une preuve ou un texte du Coran et de la Sunna qui vient prouver son interdiction. Donc les ulama, ils disent al-aslu fil adat wal-mu'amalat al-ibaha. Et souvent, des fois, ils résument ça en disant al-aslu fil ashiya al-ibaha. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par al-ashiya? Les choses. Ashiya, c'est le pluriel de shay'un. Shay'un qui veut dire une chose. Donc al-aslu fil ashiya al-ibaha, c'est-à-dire que à la base, toute chose est permise, sauf s'il y a un texte explicite et clair qui vient prouver son interdiction. Donc, le cheikh, il dit, donc si par exemple, quelqu'un nous appelle à une adoration étrange, qui n'est pas supportée par aucune preuve de la charia, et qui n'est pas connue de la religion, et qu'elle n'est pas supportée par aucune preuve, hein? Alors dans ce cas-là, on n'a pas à lui obéir. Hein? On n'a pas à obéir à cette pratique. Hein? Dans qu'est-ce qu'il prétend et dans ce à quoi il appelle. Ou bien si quelqu'un, par exemple, invite les gens à interdire ou il invite les gens à ne pas pratiquer ou à ne pas faire quelque chose parmi les actions des interactions que les gens font les uns avec les autres dans les choses de la dunya. Et dans les pratiques, des choses qui sont des pratiques ordinaires que les gens ont l'habitude de faire, et il dit, vous devez pas faire ça, c'est haram. Et quand tu lui demandes, mais quelle est la preuve? Quelle est la preuve que c'est haram? Des fois, il y a des gens, ils renversent l'affaire. Dans quel sens? Parce que, par exemple, quelqu'un va venir, puis il va dire, ya akhi, ça c'est haram. Hein? Et tu lui dis, et après tu lui dis, non, ça c'est pas haram, c'est halal. Et là, lui, il te dit, ok, donne-moi la preuve que c'est halal. Hein? Souvent, vous allez entendre des gens comme ça. Et la réponse à ça, c'est de lui expliquer que, en fait, c'est pas à moi de te prouver que c'est halal. C'est à toi de me prouver que c'est haram. Parce que, al-aslu fil ashiya al-ibaha. La base dans les choses de la dunya, dans les choses des mu'amalat, dans les choses des adat, c'est qu'elles sont permises. Jusqu'à ce que tu m'amènes la preuve que la chose en question elle est interdite. Donc c'est pas à moi de te prouver. Moi, ma preuve que c'est halal, c'est que il n'y a pas de preuve pour l'interdire. Il n'y a pas de dalil pour l'interdire. Donc tant que tu m'as pas ramené la preuve que c'est interdit, dans le Coran et dans la Sunna, alors dans ce cas-là, j'ai le droit de continuer à le faire. Hein? Et donc, ça, le fait de connaître ça, ce principe-là, ça facilite et ça simplifie beaucoup de choses. Hein? Ça simplifie beaucoup de choses. De même que dans les adorations, il y en a qui renversent les choses aussi. Par exemple, ils vont pratiquer quelque chose d'une adoration, puis ils vont dire, donne-moi la preuve que c'est interdit. Qu'est-ce que je fais? Hein? Dans les adorations, c'est pas à moi de te prouver que cette adoration-là est interdite, parce que la règle de base, c'est qu'elles sont toutes interdites, sauf s'il y a une preuve pour la supporter. Donc c'est à toi de m'amener la preuve que cette adoration, elle est légiférée. Hein? Si tu peux pas m'apporter une preuve, dans ce cas-là, elle est interdite. Donc c'est pour ça, des fois, le fait de comprendre ces principes et ces règles et de les comprendre correctement, ça nous sauve beaucoup de temps. Ça nous évite de perdre beaucoup de temps dans des discussions inutiles et dans des disputes ou dans des débats inutiles avec les gens. Donc on n'a pas besoin de débattre sur la religion ou de disputer sur la religion sur des questions comme ça. Parce que des fois, malheureusement, les gens, ils ont cette mauvaise habitude de toujours vouloir débattre chaque sujet. Et il y en a souvent, les gens, ils n'ont aucune référence avec eux, donc c'est un qui affirme et l'autre qui nie. Et ils tournent en rond comme ça pendant des heures. Et puis, parfois, ça devient personnel, alors que les gens, ils se mettent en colère, et puis l'orgueil qui rentre dans ça, puis après, ils commencent à s'insulter et Allah musta'an. Pourtant, il n'y a aucune raison de débattre ou de discuter. Si la personne, elle sait, elle parle, elle mentionne sa preuve. Si elle ne sait pas, elle se tait. Et elle va rechercher, elle va vérifier. Hein? Elle se renseigne, elle pose la question. Et c'est tout. Si elle a raison, elle a raison. Si elle a tort, elle a dit j'ai tort. Si elle a raison, elle dit j'ai eu raison. C'est tout. Ça finit là. Il n'y a pas de raison de faire de débat ou quoi que ce soit. Le mieux, c'est de se taire. Si tu vois quelqu'un, il est acharné à vouloir avoir raison à chaque fois, laisse-le parler. Abandonne le débat tout de suite. Tu dis d'accord, c'est fini pour moi, j'en parle plus. Moi, je vais me renseigner et c'est tout. J'ai pas besoin de continuer à parler pour rien. Et donc, c'est ce que le cheikh il a dit. Il dit si quelqu'un il veut t'interdire quelque chose dans les actes de la dunya, qu'il t'amène sa preuve. S'il ne peut pas ramener une preuve, alors dans ce cas-là, yani, on n'a pas à le suivre et à l'obéir. Ensuite, le cheikh il dit, وَعَنْ عُرْوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاسَمَ الزُّبَيْرِ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري صرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الشيخ الألباني حديث صحيح. Donc on va traduire le hadith puis après on va lire le sharh. Ce hadith est rapporté par selon Urwa ibn Zubayr que Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu a raconté qu'est-ce qui lui est arrivé. Hein, qu'est-ce qui est arrivé. Il dit que, hein, il mentionne qu'est-ce qui est arrivé à son père, Az-Zubayr. Il dit, il y a un homme parmi les Ansar qui a voulu disputer avec Az-Zubayr et il a ramené Az-Zubayr devant le messager d'Allah pour trancher, hein, pour juger entre les deux. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Az-Zubayr, il habite à un certain endroit, puis il y a un cours d'eau qui passe vers chez lui. Puis en bas de chez lui, ou plus loin, il y a un parmi les Ansar qui habite un peu plus bas. Et donc le cours d'eau, avant de descendre vers l'Ansari, il passe par le domaine ou la terre de Az-Zubayr. Donc le cours d'eau, il traverse la terre de Az-Zubayr. Et lui, il a des palmiers. Donc il utilise cette eau pour irriguer sa palmeraie puis sa terre. Alors Al-Ansari, parce que lui il fait passer l'eau, l'eau passe par chez lui, donc lui il l'utilise pour irriguer sa terre. Al-Ansari a dit: laisse l'eau passer, sans la stopper, laisse-la continuer. Et donc lui, Zubair, il a dit non, je l'utilise, j'en ai besoin pour irriguer ma terre. Alors ils sont partis tous les deux devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour avoir un jugement, pour savoir quoi faire dans cette situation, parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé, mais il n'a pas jugé selon le jugement d'Allah, il a jugé dans le sens pour faciliter les choses pour les deux, c'est-à-dire il a jugé à l'amiable entre les deux pour les arranger et leur donner une réponse qui va satisfaire les deux parties. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: oh Zubair, irrigue ta terre, ta palmeraie, puis envoie l'eau vers ton voisin par la suite. Alors l'Ansari s'est mis en colère. Il a dit: ô messager d'Allah, parce que c'est ton cousin, il s'est mis en colère, il a dit: parce que c'est ton cousin, tu lui dis de prendre, d'utiliser l'eau, puis après de l'envoyer vers moi, parce que lui il veut qu'il l'envoie directement. Alors il dit, le visage du messager d'Allah a changé de couleur. En voulant dire, il était en colère à ce moment, quand il a vu la réponse de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: « Oh Zubair, irrigue ta terre, puis en bloque l'eau par la suite, jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'au mur. » Et Zubair, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: « Par Allah, je pense que le verset, il parle du verset 65 dans Sourate An-Nisa, a été descendu à cause de cette situation-là. » Et c'est quoi le verset 65 dans Sourate An-Nisa? C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris comme juge dans leur dispute, dans leur désaccord entre eux, puis qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune gêne vis-à-vis de ce que tu as décrété, et qu'ils s'y soumettent complètement. Donc maintenant on va lire l'explication de ce hadith. Le cheikh il dit: في هذا الحديث فيه فوائد عدة. Donc Cheikh Ubayd حفظه الله, il dit dans ce hadith il y a beaucoup de points bénéfiques. الفائدة الأولى يجوز للحاكم أن يعرض على المتخاصمين الصلح أولا قبل الحكم لأن ذلك مما يجلب الألفة ويطيب النفوس ويطمئن القلوب فالنفوس مجبولة على تبادل المنافع بطيب نفس والصلح يتضمن هذا. Donc le cheikh dit la première faïda, le premier point bénéfique qu'on peut tirer de ce hadith là, c'est qu'il est permis au juge, lorsque il y a deux personnes qui viennent disputer d'une question devant lui, il est permis au juge de présenter aux deux parties une entente à l'amiable, un accord, une réconciliation, ou bien une entente à l'amiable avant de leur donner le verdict, avant de leur donner le verdict religieux. Parce que c'est quelque chose qui va faire يعني que les gens vont avoir plus de, disons, d'affection ou de rapprochement les uns des autres. Parce que les âmes, à la base, ils aiment ce qui tranquillise et qui ramène du bien pour tout le monde. Hein? Les deux parties sont satisfaits et ils acceptent ce qui arrange les deux parties en même temps. Donc tout le monde est satisfait, tout le monde en sort gagnant. Hein? Et ça, c'est as-sulh, c'est-à-dire l'accord, hein, on fait une entente pour essayer de se mettre d'accord sur quelque chose, l'un et l'autre, et que, si on a par exemple des intérêts qui sont contradictoires ou opposants, ou opposés plutôt, des intérêts qui s'opposent, eh bien, on fait tous les deux un petit compromis pour arriver à une conclusion qui va être satisfaisante pour les deux. D'accord? Donc ça, c'est la première faïda que le juge, il a le droit de proposer aux deux, hein, une entente de ce genre. الفائدة الثانية وجوب الحكم الصريح إذا أظهر أحد الخصمين عدم قبول الصلح وتذمر منه وهذا قد يكون من المدعي أو من المدعى عليه فإن الحاكم في هذه الحالة يلجئ إلى صريح الحكم يعني الحق كذا فيجب على المتخاصمين قبوله. Donc le cheikh il dit, le deuxième point bénéfique qu'on peut tirer de ce hadith, c'est l'obligation pour le juge, lorsque un des deux parties n'accepte pas l'entente, de juger d'une façon explicite et claire, pour trancher entre les deux, que ce soit en faveur du parti qui se plaint, hein, le plaignant, ou bien du parti de celui qui se défend. Et dans cette situation-là, ils auront l'obligation, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ils auront l'obligation de revenir au jugement, et le juge va trancher d'un jugement qui est explicite et clair. Il va dire la vérité à ce sujet-là, c'est telle, hein, telle chose. Et il va donner son jugement. Et il sera obligatoire aux deux parties de l'accepter. Parce que la différence entre une fatwa et un hukum d'un juge, la fatwa d'un alim ou d'un mufti et le jugement d'un juge dans la sharia, dans l'islam, c'est que la fatwa, elle n'est pas imposée. Et dans le hukum shari, la personne, elle va le faire ou elle va pas le faire, elle va l'accepter ou elle va pas l'accepter. Tandis que le jugement d'un juge, il doit être exécuté. Hein? Il est imposé. Et c'est sûr que, par exemple, si le juge, il donne un jugement puis que un des deux parties considère que le juge n'a pas fait bien son travail ou n'a pas jugé comme il faut, il y a toujours possibilité de faire appel. Hein? Et là, dans ce cas-là, ça va être analysé par d'autres juges, puis ils vont refaire le procès ou refaire le jugement. Mais sinon, à la base, quand le juge il dit quelque chose, c'est obligatoire, c'est imposé. D'accord? Donc, là maintenant, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de solh, il n'y a plus d'entente ou d'essayer à chercher à satisfaire les deux parties. Maintenant, c'est la vérité qui va trancher entre les deux. Qu'il soit satisfait ou non, ce sera ça le hukum. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième faïda. الفائدة الثالثة لصاحب المزرعة الحق في إمساك الماء الذي يمر بمزرعته حتى تمتلئ وهذا متصور في الأراضي العثرية وكثير منكم لا يعرف الأراضي العثرية. الأراضي العثرية هي التي تشرب من مياه الأمطار فالشراج الحارة معناه الجدول أو نعم أو الجدول يسمى ربيعا لأنه عبارة عن قنطرة أي مجرى للماء، وهذا المجرى يمر بأرض الزبير بن العوام رضي الله عنه. فالزبير حينما حجز الماء كان محقا فله حجزه حتى يصل الماء إلى الجدار إلى الجدران، ثم بعد ذلك يرسل يعني يطلق ما زاد. Donc le cheikh il dit, le troisième point, c'est que la personne qui a une terre qu'il cultive, sur laquelle il fait de l'agriculture, ok, il a le droit de retenir l'eau qui passe par son terrain, qui passe par sa terre. Il a le droit de la retenir, cette eau, qui passe par son terrain, jusqu'à ce que cette eau remplisse son terrain. Et ça, c'est comme le cheikh il dit, ça c'est des terrains qui absorbent l'eau de la pluie. Donc l'eau de la pluie, des fois, tu vois ça par exemple dans les pays, j'ai constaté ça moi-même quand j'étais par exemple à Médine. Il y a un endroit où on passait pour aller jusqu'à l'université, c'est Al-Wadi Al-Aqiq. On l'appelle Al-Wadi Al-Aqiq. Et c'est comme une vallée, on l'appelle une vallée. En fait, c'est comme un endroit où on voit que la terre, elle est comme creusée, comme une vallée. Et ça parcourt des kilomètres. Ça va loin, Al-Wadi Al-Aqiq. Al-Atiq, pardon. Al-Wadi, c'est pas Al-Aqiq, c'est Al-Atiq. Al-Wadi Al-Atiq. Donc, ça va très très loin. Et en fait, je me rappelle, il y avait un pont, yani, par-dessus cette vallée, juste avant de rentrer dans la Jami'a. Et je me demandais tout le temps, pourquoi il y a un pont? Pourquoi il y a un pont? Puisque c'est complètement sèche. Yani, il n'y a pas d'eau qui passe là. Et jusqu'au jour où il y a eu de la pluie, alors là, subhanallah, le lendemain, une rivière est apparue à cet endroit-là. C'est-à-dire que on voyait pas d'eau du tout, il n'y avait pas de cours d'eau. Puis, quand il y a eu une grosse pluie, le lendemain, à cet endroit-là, il y avait une rivière qui coulait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la pluie tombe, elle tombe dans les montagnes et elle coule et elle se réunit, toutes les eaux se réunissent dans cette vallée. Puis par la suite, ça crée un courant et c'est comme si, en fait, il y avait une rivière à cet endroit-là. Subhanallah. Donc, souvent comme ça, il y a des cours d'eau qui passent. Puis, quand il y a de la pluie, tu vois, il y a des cours d'eau. Puis, les cultivateurs, ils prennent de cette eau. Puis, ils irriguent leur terre avec ça. Et il y a des fois, c'est des vallées, il y a des fois c'est des cours d'eau, il y a des fois c'est des ruisseaux, et ainsi de suite. Donc ici, le cheikh il est en train d'expliquer que dans l'islam, il est permis à quelqu'un, lorsque son terrain est sur un cours d'eau, il est permis pour lui de stopper cette eau-là pour l'utiliser et irriguer sa terre une fois que, comme par exemple les rizières, il y a certains types d'agriculture qui nécessitent beaucoup d'eau et qu'il faut complètement remplir toute la surface d'eau complètement. Et une fois que elle est remplie, là il va laisser couler le surplus pour continuer son chemin. Donc ça c'est permis pour lui, il a le droit de faire ça, d'accord. Et lorsque Az-Zubayr faisait ça, il était dans son droit. Donc son voisin n'avait pas le droit de lui interdire ou de lui empêcher de bloquer l'eau. D'accord ? C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça que si on a compris ça, en fait, on va comprendre l'histoire qui s'est passée dans ce hadith. Le point numéro 4, le cheikh il dit « Al-fa'idatu al-rabi'a anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » بشر كغيره من الأمة. يجري عليه ما يجري على سائر البشر، ولذلك تلون من تلك النابية من الأنصار رضي الله عنه، وقال أن كان ابن عمتك، يعني فعدل عن الصلح إلى صريح الحكم. وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، هذا مما جبله الله عليه من سنن البشر، يغضب ويمرض وينسى، وهكذا البشر. وإنما شرعه صلى الله عليه وسلم مصون، أما تصرفاته الشخصية فهو كسائر البشر، ينام ويأكل ويشرب وغير ذلك مما يجري على البشر. ولهذا عليه الصلاة والسلام مات كما يموت غيره من البشر، وقبض ملك الموت صلى الله عليه وسلم روحه عليه الصلاة والسلام كسائر البشر. Donc le cheikh il dit un autre point important dans ce hadith, c'est que on constate que le messager d'Allah est un être humain, hein, est un être humain comme les autres dans la umma, dans le sens que il lui arrive des choses qui peuvent arriver à d'autres parmi les hommes aussi, dans le sens que quand il a entendu la parole de cette personne parmi les Ansar qui a dit: ah, tu juges de cette façon en faveur de Az-Zubayr parce que c'est ton cousin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a entendu ça, il n'a pas aimé cette réaction, et il a donc fait le jugement explicite de la charia à son sujet. Il a quitté la proposition d'entente qu'il avait proposée au début, et là il est revenu au verdict de la charia, hein, parce qu'il a vu que lui il n'était pas satisfait de sa proposition. Et c'est la preuve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il peut se mettre en colère, et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en l'être humain. Ça fait partie des émotions et des choses naturelles qui peuvent arriver à n'importe quel être humain, y compris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que parfois il se mettait en colère. Et en général, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il se met en colère, il se met jamais en colère pour lui-même. Il se met jamais en colère pour lui-même. Il se met en colère pour un des droits d'Allah qui a été bafoué ou yani rejeté ou quelque chose de ce genre. Hein? Mais pas pour lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tombe malade comme tous les autres hommes, et parfois il peut oublier certaines choses comme ça lui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les autres êtres humains. Hein? Mais en ce qui concerne la révélation que Allah lui a donnée et la législation divine, ça c'est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les autres comportements et les autres actes personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est comme le reste des êtres humains. Il dort, il mange, il boit, hein, comme tous les êtres humains. Et il dit de même qu'il est décédé de la même manière que meurent tous les êtres humains aussi, et l'ange de la mort est venu prendre son âme sallallahu alayhi wa sallam, comme il prend l'âme de tous les hommes. D'accord? Donc ça c'est un point intéressant et important qu'on peut tirer de ce hadith là. Et le dernier point que le cheikh a mentionné à propos de ce hadith, al-fa'idatul khamisa, nalhadhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقع على الأنصار رضي الله عنه عقابا آخر، وهذا دليل على أن ذلكم الأنصاري لم يقصد الحط من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحقيره ولا الخروج عليه، وإنما كلمة انفلتت منه وزل بها لسانه، وهو صلى الله عليه وسلم عفو عند المقدرة وكان بإمكانه أن يعاقب الأنصاري. وهذا الحديث يستفاد منه بل هو قاسمة من القواسم التي تقسم ظهور الخوارج والحركيين والمساندين لهم بالتحريض، وهم والله وبالله وتالله خوارج قاعدية، وهو أن التنكر للحكم أو إظهار ما هو استنكار ليس موجبا بذاته للكفر ولا الخروج من الملة، لأن ذلكم الأنصاري أولا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة، وثانيا لم يصر على عناد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعاقبه. أي نعم، لم يصر على عناد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعاقبه. والمقصود أن هذا الحديث فيه حظ على قبول السنة وإن كانت على النفس شاقة وثقيلة، ولهذا أنزل الله هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا دليل على وجوب الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم طالما كررت قاعدة، وتلكم القاعدة التي تجمع للمسلم الانقياد لحكم الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والأمر الثالث تصديق خبر الله أو تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cinquième point, c'est que on constate dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné à cet Ansari aucun châtiment supplémentaire par rapport à son comportement ou sa réponse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il lui a dit: parce que c'est ton cousin, parce qu'il a jugé en faveur de Zubayr, ou bien lui il a considéré que c'était en sa faveur, alors qu'en réalité c'était pas en sa faveur, c'était en faveur des deux. Il lui a dit: ya Zubayr, irrigue ton terrain et après laisse passer l'eau pour ton voisin. Lui il a pas aimé ça parce qu'il voulait pas que Zubayr irrigue son terrain du tout, il voulait que l'eau passe directement jusqu'à chez lui. Alors il a dit: parce que c'est ton cousin, tu juges comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dans ce cas-là, bloque l'eau, ya Zubayr, et utilise qu'est-ce que tu as de besoin, jusqu'à ce que l'eau arrive jusqu'à la limite ou au mur. Et ça, c'est le jugement d'Allah, le jugement de la religion. Donc là, il n'y a pas eu d'autre châtiment ou punition pour cet Ansari pour avoir dit ça. Et donc, ça, c'est la preuve que cet Ansari, ce compagnon parmi les Ansars, il n'a pas eu l'intention de diminuer l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de le mépriser, ou de se révolter contre son jugement ou contre lui. Mais c'est juste une parole qui lui est sortie de la bouche, qu'il a dit par erreur. Ça lui est sorti comme ça, sans qu'il y pense vraiment. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit ici son indulgence, alors qu'il avait la capacité de le punir, mais il l'a pas fait. Et il était capable plutôt de le punir s'il voulait, mais il l'a pas fait. Et donc on peut tirer de ce hadith un argument très fort pour briser le dos des khawarij, et des gens de fitna à notre époque qui veulent appeler au takfir et utiliser par exemple l'argument que toute personne qui renie hein, ou qui rejette un verdict est automatiquement kafir hein, en lui-même sans même attendre ou vérifier hein, est-ce que la personne l'a dit avec science, est-ce qu'elle l'a fait par erreur, est-ce qu'elle l'a fait par ignorance, est-ce qu'elle l'a fait par à cause d'une shubha hein? Non, eux automatiquement kafir, alors que c'est pas le jugement ici du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ce compagnon là malgré qu'il a dit une parole grave. Il a dit parce que c'est ton cousin, c'est comme si il d'une certaine façon il est en train d'accuser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas juger de façon juste et de donner préférence à son cousin dans un jugement de la religion ou dans quelque chose qui a rapport avec hein, un procès ou une justice, en disant t'es pas juste parce que tu donnes la parole ou tu donnes le droit à ton cousin, et ça c'est grave. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas donné de hukum, il lui a pas dit toi t'es kafir à cause de ça, ou bien t'as dit une parole de kufr hein? Il a excusé de ça hein? Il lui a pas donné de punition supplémentaire. Et donc le cheikh il dit il y a dans ça une preuve contre les khawarij. Il dit aujourd'hui ces gens là c'est ceux qu'on appelle les khawarij al-qa'adiyya. C'est une secte parmi les sectes des khawarij qu'on appelle al-qa'adiyya. Et c'est quoi cette secte des qa'adiyya? C'est des khawarij hein, parce qu'on sait qu'une des caractéristiques, pourquoi on appelle les khawarij, pourquoi on les appelle khawarij, c'est parce qu'ils se révoltent contre les dirigeants, ils se rebellent contre les dirigeants, ils prennent les armes contre les dirigeants quand ils voient que les dirigeants font un péché quelconque ou une injustice quelconque hein, ou qu'ils contredisent une règle de l'islam ou une pratique ou quelque chose qu'ils font qui est un péché. Ils se disent ah ça veut dire on a le droit de se révolter, de se rebeller contre lui hein. Et ça c'est les khawarij en général, tandis que al-qa'adiyya parmi les khawarij c'est une des sectes parmi les khawarij ou une catégorie de khawarij qui eux ne prennent pas les armes mais ils incitent les autres à le faire. Donc tu les vois comme ça, ils vont pas prendre les armes, ils vont pas attaquer, ils vont pas faire de manifestations, ils vont rien faire. Mais ils vont inciter d'autres personnes à le faire. Hein, ils vont motiver les autres et les bouger et les inciter avec leurs paroles. Ils vont parler contre les dirigeants et insulter les dirigeants ou les critiquer publiquement et des choses de ce genre pour attiser le feu de la fitna. Puis eux, ils restent assis comme ça, ils regardent. Et hein, ils disent, nous on n'est pas sortis, on s'est pas rebellé, on n'a rien fait. Alors qu'en réalité ils ont fait hein, quelque chose, puisque à cause d'eux les autres sont sortis. Hein, les autres se sont rebellés à cause d'eux. Donc, malgré que la personne en question, elle avait renié le verdict, ou bien qu'elle avait montré qu'elle n'était pas satisfaite de ce jugement-là, et le cheikh il dit, et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré ça comme étant un acte de kufr en lui-même ou que la personne était sortie de l'islam. Hein? Il dit لِأَنَّ ذَلِكُمُ الْأَنصَارِ أَوَّلًا لَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالتَّوْبَةِ. Premièrement, cet ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de se repentir de ça. Deuxièmement, il n'a pas persisté à s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait insisté, là peut-être ça aurait été autre chose. Mais non, il n'a pas insisté. Hein? Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas châtié, ne l'a pas fait punir à cause de ça. Et il dit donc, qu'est-ce qu'on peut tirer donc, le but de ce hadith, c'est d'inciter à accepter la sunna. Même si cette sunna, elle est lourde sur notre âme. Hein? Même si elle est lourde pour nous à accepter, même si elle vient en contradiction avec nos désirs et notre passion d'accepter le jugement d'Allah et de son messager. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet le verset 65 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Donc Allah, il jure par lui-même, il dit je jure, hein, par ton Seigneur, c'est-à-dire il jure par lui-même qu'ils ne seront pas croyants, c'est-à-dire n'importe quelle personne ne sera pas croyante jusqu'à ce qu'elle t'ait pris toi, ô Muhammad, comme juge. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Et ça, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge pendant sa vie. Et après sa mort, qu'ils prennent ta sunna comme juge. Qu'ils reviennent à ta sunna, à ton jugement. Dans ce qu'ils ont comme dispute entre eux. Puis qu'ils ne retrouvent en eux-mêmes aucune gêne. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Ils ne vont pas trouver en eux-mêmes une gêne de ce que tu as jugé, de ce que tu as décrété. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa yusallimu taslima. Et qu'ils s'y soumettent d'une façon entière et complète. Ça, c'est l'attitude du mu'min quand il entend le jugement d'Allah et de son messager. Hein? Et donc, ça, c'est la preuve de l'obligation de se soumettre au jugement d'Allah et au jugement de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on peut répéter cette règle parmi les règles, hein, c'est-à-dire que cette règle qui résume pour les musulmans le fait qu'il doit se soumettre au jugement d'Allah et de son messager, qui comprend trois choses. La première chose, c'est qu'il doit faire ce qu'Allah a ordonné ainsi que son messager. La deuxième chose, c'est qu'il doit délaisser ce qu'Allah a interdit ainsi que son messager. Et la troisième chose, c'est qu'il doit croire et accepter l'information et ce que Allah a révélé ainsi que son messager. Ce que son messager a dit. Hein, ou qu'est-ce qu'il a transmis de la révélation d'Allah. Donc ça, c'est les trois principes. Et ça, c'est des principes qu'on a déjà expliqués. Et donc, le cheikh, il les répète encore une fois. Et ça, c'est ce qui vient compléter donc le cours d'aujourd'hui à ce sujet-là. Je suis désolé on n'a pas le temps de faire Kitab al-Tawhid parce qu'il reste 5 minutes avant Salat al-Isha. Et donc, Allah al-Musta'an, je voulais compléter l'explication de ce hadith-là. Mais sinon, on le fera, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah. Ou bien sinon, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, étant donné que le temps entre le Maghrib et l'Isha commence à être court, c'est qu'au lieu de faire deux cours par soir, on va faire un seul. On va faire un seul, comme ça on pourra donner à chaque son droit, comme on dit, puisque maintenant ça devient difficile, alors que quand c'était au mois de décembre, au mois de janvier, c'était plus facile parce qu'il y avait beaucoup de temps entre les deux, entre le Maghreb et l'Isha. Maintenant, le temps est trop serré, on n'a plus beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on est obligé de raccourcir de plus en plus les cours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être, je vais voir à partir de quand, Inch'Allah, puis on commencera à faire un cours par soir au lieu de faire deux. Puis sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est qu'au lieu de faire les deux cours entre le Maghreb et l'Isha, je pourrais m'arranger pour les séparer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je pourrais faire par exemple un cours, je sais pas moi, après l'Asr ou après le Dhuhr, et l'autre après le Maghrib. Donc on peut diviser ça en deux pendant la journée. En tout cas, on verra comment on va s'organiser, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.